Psycho. Intro de la mixtape sans expression, gros. Un jour j'ai voulu essayer de rapper, j'ai aimé alors j'ai continué. J'suis complètement foncé, tu pourras pas me tester, mais c'est pas de m'arrêter. Sinon moi je vais te niquer, pas besoin de me tester. C'est l'intro de la mixtape, j'suis un mec de test. J'te bloque comme un contrôle parental, quand tu m'écoutes tu détales. Dans ce son j'ai aucun regret, j'rappe pour moi la famille elle est vraie. Le rap l'a teasé au CB depuis ce jour que j'ai compté. Jamais je pourrais les oublier, pas besoin de prendre de la cocaïne. Parce que moi je baisse les bitches, j'suis trop chaud, pas besoin de me niquer avec un couteau. Moi j'ai frite. Un bout de shit, moi j'emmerde tous les flics. S'ils me contrôlent, moi je les nique. Le monde a changé, tout le monde s'est dispersé. Contre les keufs, faut toujours faire dispersion. Écoute la mixtape sans expression. Ce n'est pas me sucer la bite pour vous donner un morceau de spliff. Le rap c'est mon ring, ne sors pas tes bling bling. Quand t'entends l'intro, ça fait clic clic. Vive la campagne et tout ce qui s'en accompagne. Dans le rap, j'ai trop la rage, je suis enfermé dans ma cage. Au Rini c'est ma street, au CB c'est ma cric. Mais ne sois pas en panique. Dédicace à ma sœur qui est partie avec mes plaires. Depuis c'est mon malheur, jamais j'en aurais ici. Ou ailleurs, j'suis comme un tigre blanc avec le regard méchant et le profil me disant si mes sons te prend au pied, moi j'te dirai garde la pêche. Et ouais, c'était l'intro de la mixtape, restez à l'écoute, les gros. Clique.